nada me partit verso l'Occitania. Se sermo fletrit anatema, la paraît qu'elle est à conjurer. Tissère son divorce sans souffle. Je dois te quitter pour que nous vivions. Ces adieux citant trop de cœur, salsa de Willy Colomb, que le musique permit dans sa peur toutes les peurs du monde. Au pouvoir qui empoisonne la rosée où boivent les lys sacrés, tu tiens timide à mon aimé hors de son nid et la jeta par-dessus bord de son affection. Des policiers secrets la harcelèrent, jurant que je mourrais en prophète. Pourtant elle savait Dieu m'avait élu. Les plus romanus ayant tout enduré, aujourd'hui je rêve. Ayant tout.